Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, un thriller pour se faire peur. Jane Morton, psychiatre, a toutes les raisons de vouloir s'éloigner de son quotidien quelque temps. Lorsque le cas de Dorothy Mills se présente, elle est volontaire. Cette adolescente, qui vit sur une petite île au large de l'Irlande, est accusée de tentative de meurtre sur un bébé dont elle avait la garde. Tu as voulu te charger de ce cas ? Je voulais m'en aller. C'était nécessaire. Il n'est aucun lieu où il vous soit possible d'aller sans être en présence du Seigneur, notre Dieu. N'aime pas beaucoup les femmes ici, on dirait. Bonjour, Dorothy. Je suis le docteur Morton. J'essaie de découvrir la vérité. C'était la première fois qu'on prenait Dorothy comme babysitter. Mon Dieu, tu... C'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Donne-le-moi, ne se touche pas. Dorothy, il faut qu'on parle. Il n'y avait pas de bébé, j'étais même pas là. Si je parviens à prouver que c'est un cas de multipersonnalité, Dorothy, il y a de fortes chances pour qu'elle soit quittée. Où est partie Dorothy ? Elle est là, à l'intérieur. Qui l'empêche de sortir ? Les autres ! Je veux te faire remonter le temps, Dorothy. 5. Qui es-tu ? 4. C'était simplement pour qu'il paie ! 3. C'est une sorcière ! 2. Cette île, c'est un aimant. On s'en échappe pas. Dorothy, un film d'Agnès Merlet, un DVD Wildside.